quelque chose. Comment te dire ce que de voir quelqu'un souffrir, de m'annoncer par toi. Lui bien consolé. La main est venue en tout cas, où j'étais mal carré. La main est venue en tout cas, on est les désolés. Ma marie par la langue, tout au Roma. Il n'a qu'à raquer en ma vie, la ténoye de Sama. Pour mon tout cas, la mémie à mon accord. La yédie de Sika, et on est les désolés. Et pour moi, y'a pas qu'un aïe. Docteur Jack Sakuna, ton régime, Adolphe de Batina Mena, consolons l'idée du grand Mopao, Amouino Bae, Yakane Asteo. On a récupéré Motuka, Asseninga Momo Mama, et pour moi qu'on a souhaité pétonnel, à profond agonie. Dieu nous suffit à ma mère, Loris la Congolaise, Lévi Yakana, Adam Matingo, Vanis Nifwana, Yalo Mangoui, les bergers de la Chouane. On en peut y aller au côté, la Kanaka y a noté la Roukouta. Il t'a connu le côté, et côté, et bien en la coca cali sousou, coca la libanade, courir maillot de soleil, et c'est ça qu'on a une soirée à conduire. Alpha pour coller, il croit, mais pas pour pili, pour prendre la cachère, et j'aime ma quoi, on fait fouiller. Pour ma maman et banana, à quoi ma dame et le fili colo et un peu de maillot, pour ça lui compter pour maman. La bombe à la sentiment, on peut s'en rapprocher un peu, la pistolet à bateau, désolé, on peut m'en aller, on peut s'en aller, on peut s'en aller, on peut on a Nakwe koni lokola, feti ezali masanga. Nakwe koni lokola, motuka ezali carburant. On a récupéré yoye, c'est qu'on a levé solé. Nakwe fouta bonie, sandra kasaji. Maître Jordan, la bouffe banana. Tiens nos sakwe. Il faut que l'on ait pas de l'île à mon thème. Et ton aile est désolé. Il est mon thème à la main. Et ça y est, désolé. Et ça y est, maman. Pour tout le monde, nous sommes en Kili. Car nous aussi, la mort est qui n'a pas de vie. Pour le bon moment, il nous l'a reprendra. Aux amours pour un. Y'a mon panzi nana. Voyage sur Sirena, Naya Lokolo, désolé. Appelez Sakamoto, Nankonia Maïté. A son café de Sissur en Canada, et son aile est désolé. Son atome Missa, à venir Yavana, Bissoye, Mokalate, Lokoko, Madame Coco. Thank you. papa lève à sa maman pour la voir pour qu'il peut connaître ma maman qui m'a dit